salivé. T'es même devenu dromadaire. Ces jours viennent, j'ai noyé ma peine. Cet été, ça pète à Marrakech. Fini la S, les marécages. Laissez-moi souffler, j'ai mal à la tête. Tu parles sur les gens, commentaires sur le net. Ça, c'est pas bon, t'es vraiment malhonnête. Oh, oh, oh, pourquoi tu fais ça? Oh, oh, t'es vraiment malade, t'as rien, tu fais la malade. Ce n'est pas carré, t'es vraiment carré. Il faudrait que t'arrêtes de beaucoup parler. Biggie, tourne-moi ça, car là y'a trop d'ennemis qui font semblant aujourd'hui, mais qui quittent nos mélodies. Ouais, c'est bon, pourquoi tu fais ça? T'es mauvais.